La Squall. Purchase your tracks today. Listening to Sylvester. Bro, je vais faire du sale, c'est le revers de la médaille. Je veux de la maille en pagaille, changer mon capital. Je veux mailler, mailler avec mamie. Je veux me barrer, je t'ai dit, je veux mailler, mailler avec mamie. Je veux me barrer. Bro, je vais faire du sale, c'est le revers de la médaille. Je veux de la maille en pagaille, changer mon capital. Je veux mailler, mailler avec mamie. Je veux me barrer, je t'ai dit, je veux mailler, mailler avec mamie. Je veux me barrer. Bro, je veux faire du sale, augmenter mon capital. Un appart en capital, et tout ça payé comptant. Bro, je veux faire du sale, salement, je veux de l'argent et le goût salé de la mer. Ça y est, je vais me les faire, j'ai trop rêvé. Gros salaire en gardant le trou sur ma paire. J'y ai cru, j'y crois toujours. Toi, tu dis que je rêve et moi, je fais le sourd. En sourdine dans ta cuisine, je recherche le plat du jour. Y'a pas de jour férié. Bro, moi, je fais mon Ferrari, je vais pas vanner sur Rivoli. À fond sur moi, je fais pas pipi. À côté de moi, un gros paquet, je lui sers de la pure de Colombie. Qu'elle est bolivienne, je m'en bats les couilles, j'ai la migraine. Ouais ma gros, je vais faire du sale t'as pas idée. Dans tes oreilles, j'suis en train de migrer. C'est bien là un fils d'immigré qui s'agrée à faire du sale. En pagaille, j'veux compter, compter et recompter sans que jamais ça s'estompe. Et pour masser du gros, j'investis un pompe. Gros, je vais faire du sale, c'est le revers de la médaille. J'veux de la maille en pagaille, changer mon capital. J'veux mailler, mailler avec mamie, j'veux me bailler. J't'ai dit, j'veux mailler, mailler avec mamie, j'veux me bailler. Bro, je veux faire du sale, c'est le revers de la médaille. Je veux de la maille en pagaille, changer mon capital. Je veux mailler, mailler avec mamie, je veux me bailler. Je t'ai dit, je veux mailler, mailler avec mamie, je veux me bailler. Gros, je veux faire du sale, déjà tout petit, c'était la merde. Je pue la galère comme un frigo qui pue la misère. Dans la rue, tiens bien tes couilles, ouais ma gueule, sinon tu coules. T'inquiète pas qu'à la mentale, moi il a toujours le moral. Crois-moi qu'ici c'est réel, y'a pas de jugement en appel. Les rêves béton à la pelle et d'autres t'enterrent à l'aide d'une pelle. Aux assiettes, les cœurs se brisent et le proc vise à te briser. Il demande 15 ans de réclusion, dis-toi que ça c'est sa passion. Il a les mots pour te faire souffrir, mais pas le pouvoir de te faire sourire. Gros, je veux faire du sale, sortir mon ref de la cavale. Pour lui prêt à cavaler, armé et déchargé. Toi tu rêves de me voir caler, mais c'est mort, j'ai trop la dalle. Gros, je vais faire du sale, faire du bétail en devenir pâle. Éviter la rafale, des jaloux prêts à me canner. Sur Cannes, je veux ma villa, tous les jours je rêve de me barrer. Ça y est, y'en a assez, pourquoi je m'en sers pas au sommet. Gros, je vais faire du sale, c'est le revers de la médaille. Je veux de la maille en pagaille, changer mon capital. Je veux mailler, mailler avec mamie, je veux me barrer. Je t'ai dit, je veux mailler, mailler avec mamie, je veux me barrer. Bro, je veux faire du sale, c'est le revers de la médaille. Je veux de la maille en pagaille, changer mon capital. Je veux mailler, mailler avec mamie, je veux me barrer. Je t'ai dit, je veux mailler, mailler avec mamie, je veux me barrer. Bro, je veux faire du sale, je t'ai dit, gros, je veux faire du sale. Gros, je veux faire du sale, ouais, ma gueule, je veux faire du sale. Ah, sortir le jade, la cavale. Sale, mon gars, la squale. La squale, ma gueule.